Bonjour Jean-Paul, bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de la radio scolaire Nderagakura. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le président de la République du Burundi a reçu ce vendredi des mains de l'athlète burundaise Francine Niyonsaba une médaille d'argent qu'elle a décrochée sur 800 mètres lors des derniers Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Rio de Janeiro au Brésil. Une médaille de mérite, une enveloppe de 5 millions de francs-bourg et un certificat d'honneur ont été offerts par le chef de l'État à Francine Niyonsaba en guise de remerciement. Le gouvernement du Burundi s'insurge en faux contre le récent rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme intitulé « Burundi, répression aux dynamiques génocidaires ». Vous suivrez les détails dans cette édition avec le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Les réunions régulières vont être organisées entre les agences de financement en Afrique et celles du monde arabe pour mobiliser davantage les financements, mais aussi pour assurer une meilleure coordination conjointe. Celle-ci est l'une des résolutions prises au cours du 4e sommet d'Afrique avec le monde arabe qui a eu lieu à Malabo en Guinée équatoriale. Le deuxième vice-président de la République qui a participé à ce sommet nous en dira plus dans cette édition. Le ministère de l'Éducation compte mettre sur pied une commission nationale qui sera chargée de contrôler les irrégularités constatées dans le recrutement du personnel enseignant. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement. Bienvenue encore une fois, je vous le disais en titre, le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, a reçu ce vendredi des mains de l'athlète burundaise Francine Niyonsaba une médaille d'argent qu'elle a décrochée sur 800 mètres lors des derniers Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Rio de Janeiro au Brésil. En guise de remerciement, le président de la République lui a offert une médaille de mérite accompagnée d'une enveloppe de 5 millions de francs burundais et d'un certificat d'honneur. C'était après un entretien avec les natifs de la province Cibitoke, au stade Urunani de la commune Buganda. Par après, Francine Niyonsaba a exprimé sa joie d'avoir été reçue par le président de la République, un geste qu'elle qualifie d'encouragement pour continuer à honorer le pays. Nous devons cette information à nos confrères de la radio Isanganiro. Le gouvernement du Burundi vient de sortir un communiqué où il s'inscrit en faux contre un rapport intitulé « Burundi, répression aux dynamiques génocidaires » sorti dernièrement par la Fédération internationale des droits de l'homme en collaboration avec la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, indique que ce rapport n'a autre visée que de diviser à base ethnique le peuple burundais. La Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, en collaboration avec la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, sous la plume de son président, actuellement en exil au Rwanda, vient de sortir un rapport insultant pour le Burundi qu'ils ont intitulé « Burundi, répression aux dynamiques génocidaires ». Le titre lui-même est révélateur de l'état d'esprit de ces organisations qui se disent défendre les droits humains, mais qui en réalité ne se sont jamais distancés des autres organisations politiques qui se sont données pour mission de déstabiliser et détruire le Burundi. Ce rapport est donc une tentative supplémentaire de déstabilisation contre les institutions démocratiquement élues de la République en voulant faire endosser un génocide imaginaire au peuple burundais et à ses dirigeants. Une véritable insulte donc pour le peuple burundais qui s'est librement doté de ces institutions. D'une manière générale, ce rapport n'est qu'une compilation d'autres rapports biaisés déjà produits sur le Burundi et que le gouvernement a dénoncé à maintes reprises car fondés des allégations inventées. Durant le travail de recherche effectué sur le Burundi. Le rapport reconnaît qu'une mission a été déployée du 14 au 24 mars 2016 au Burundi et en Ouganda. Il y a lieu donc de se demander si 10 jours peuvent suffire pour prétendre avoir enquêté sur 24 mois. Il devient dès lors fondé de croire que ce rapport ne fait que s'approprier d'autres rapports publiés avant lui et comme ces derniers ne s'appliquent que sur des témoignages anonymes. Le rapport a un seul objectif, celui de diviser sur base ethnique le peuple burundais et ses institutions de sécurité composées sur base de la Constitution et des autres accords conclus entre Burundi, notamment l'accord d'Arusha et les accords de cessez-le-feu, en présentant l'ethnie Tutsi comme une espèce en danger de disparition au Burundi. Des réunions régulières vont être organisées entre les agences de financement en Afrique et celles du monde arabe pour mobiliser davantage les financements, mais aussi pour assurer une meilleure coordination conjointe. Celle-ci est l'une des résolutions qui ont été prises au cours du 4e sommet d'Afrique avec le monde arabe, qui a a eu lieu à Malabo, en Guinée équatoriale. Cela a été révélé par le deuxième vice-président Joseph Outol ce vendredi, après avoir participé à ce sommet. Joseph Outol indique néanmoins que ceux qui ont pris part à ce sommet n'ont pas pu valider le plan d'action 2017-2021. Suivez plutôt Joseph Outol, il est deuxième vice-président de la République du Burundi. Pour ce qui concerne le Burundi, il y a quatre éléments qu'on peut souligner, et quatre éléments qui concernent les décisions, les résolutions qui ont été prises. Premièrement, il a été décidé d'organiser régulièrement des réunions entre les agences de financement côté Afrique et côté monde arabe. Ceci pour mobiliser davantage les financements, mais également pour assurer une meilleure coordination des interventions conjointes. On pourrait prendre l'exemple des réunions entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et la Banque arabe pour le développement. Le deuxième élément, il a été décidé que désormais, avant d'organiser un sommet Afrique et monde arabe au niveau de chef d'État et de gouvernement, il y aura en amont une réunion des ministres d'économie, du commerce et des finances. Et ceci pour évaluer la mise en œuvre des projets conformément au plan d'action convenu. Et le troisième élément concerne l'agriculture. Ici, il a été décidé d'accélérer le développement de l'agriculture via notamment l'augmentation des investissements injectés dans le secteur agricole, la promotion du commerce basé sur l'agriculture et le transfert des technologies utilisées dans ce secteur. Et le quatrième élément qui me paraît important, vous vous rappelez qu'au début, on disait que l'une des attentes de ce sommet, c'était la validation d'un plan d'action 2017-2021. Ce plan d'action n'a pas pu être validé parce que, disons, il comprenait encore quelques lacunes. Il a été décidé que d'ici 6 mois, il sera convoqué une retraite de hauts fonctionnaires qui vont finaliser son plan d'action et qui vont le soumettre au Conseil des ministres pour l'adopter. Poursuivons cette édition, une commission nationale chargée de contrôler le respect des critères de remplacement et de recrutement va être mise en place au sein du ministère de l'Éducation. C'est l'une des clauses de la retraite qui a été organisée par ce ministère pour identifier les défis constatés ces dernières années dans le processus de recrutement. Victor Ndawaniwe, qui a lu les recommandations issues de cette retraite, indique que désormais, la liste de ceux qui seront retenus au recrutement devra être affichée au bureau des directions provinciales de l'enseignement pour montrer que le recrutement a été transparent. L'objectif principal de cette retraite était l'identification des défis constatés ces dernières années dans le processus de l'intégration, de recrutement et de remplacement afin d'arrêter des stratégies pouvant améliorer la transparence et l'équité. En outre, comme la qualité des apprentissages tant achetée, les participants ont dégagé les principaux facteurs qui contribuent à la dégradation des bonnes pratiques d'enseignants. Ainsi, les débats ont tourné autour de deux questions. Que faut-il faire pour assurer la bonne qualité des apprentissages? Quelles procédures faudrait-il envisager pour recruter et remplacer les enseignants dans la transparence? Les réactions des participants nous ont permis de formuler des recommandations suivantes. Organiser une réunion urgente à l'intention des directeurs provinciaux de l'enseignement et des autorités provinciales pour les informer sur les bonnes manières d'opérer efficacement le recrutement et le remplacement. Actualiser la liste des chômeurs qualifiés dans le domaine de l'enseignement et les classer par commune et par ancienneté de leurs diplômes. Mettre en place une commission nationale qui va contrôler le respect des critères de remplacement et de recrutement. Ici, tous les actes des directeurs provinciaux de l'enseignement en cette matière doivent être évalués régulièrement pour limiter les fraudes des titres scolaires et les autres irrégularités connexes. Les candidats retenus au recrutement devront être affichés au bureau des payés pour prouver au public combien le recrutement a été transparent et objectif. Page santé à présent, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a organisé ce vendredi à Ngozi une journée de mobilisation sociale à l'intention des gouverneurs des provinces, des directeurs provinciaux de la santé et de l'éducation sur la semaine Mère-enfant deuxième édition 2016 et l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Josiane Nijimbere, demande aux participants de sensibiliser la population d'organisation pour la réussite des activités de la semaine santé mère-enfant. Les détails avec Eric Sikubgabo depuis Ngozi. Selon les données du programme élargi de vaccination, le cancer du col et de l'utérus, plus de 250 000 femmes parlant, dont 85%, se situent dans les pays à vocation d'émergence dont le Burundi fait partie. C'est dans cette logique que le gouvernement du Burundi, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, organise l'introduction du vaccin contre le cancer du col et de l'utérus. Ce vaccin concerne toutes les jeunes filles de la troisième année primaire, c'est-à-dire ayant entre 9 et 13 ans et celles de 10 ans non scolarisées, dans les districts sanitaires de Ngozi et Rumonge. Selon Madame la ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr. Josiane Njimbere, dans son allocution, l'objectif de ce deuxième passage de la semaine santé mère-enfant édition 2016 est de réduire la morbidité et la mortalité attribuables au cancer du col et de l'utérus, à la rougeole, à la vitaminose A, aux parasitoses intestinales, à la malnutrition et au manque d'hygiène. C'est toujours cette même autorité. À côté du vaccin contre le cancer du col et de l'utérus, un paquet de services sera offert, dont notamment le rattrapage de tous les enfants de 18 à 23 mois, mais en pas encore réussi la deuxième mes doses du vaccin anti-rougeole, vitamine A pour les enfants de 6 à 59 mois, sans oublier le déparasitage des enfants se trouvant dans la tranche de 1 à 14 ans et des femmes enceintes pour deuxième et troisième trimestre de grossesse. La ministre de la Santé publique a clôturé son allocution en demandant à tous les participants à sensibiliser la population, surtout pour qu'il y ait une réussite des activités de la semaine santé mère-enfant et du vaccin contre le cancer du col et de l'utérus afin de faire une extension dans notre province du pays. C'est Ngozi, Eric Sikubgabo pour la radio scolaire Ndragakura. Le 25 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. Au Burundi, l'association Solidarité des femmes burundaises pour la lutte contre le sida et le paludisme fait savoir que ces violences sont une réalité au Burundi, car selon la présidente de cette association, Espérance Nirameba, 173 cas ont été déjà enregistrés dans trois zones du nord de la capitale Bujumbura depuis le début de cette année en cours. Espérance Nirameba l'a annoncé lors du lancement de 16 jours d'activisme et de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. L'association Solidarité des femmes burundaises pour la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme se joint au monde entier dans la campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes à travers la campagne de 16 jours d'activisme et de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles, dont nous lançons ce vendredi le 25 novembre 2016. Et seront clôturés le 10 décembre 2016. Au cours de cette campagne de sensibilisation, la Solidarité des femmes burundaises pour la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme organise des séances de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation de la population à mettre un terme aux violences faites aux femmes et aux filles. La commémoration de 16 jours d'activisme offre l'opportunité d'attirer une fois encore l'attention individuelle et collective sur la nécessité d'aborder la question des violences faites aux femmes et aux filles et de promouvoir les droits humains afin de leur assurer la protection et la sécurité. Au Burundi, les violences faites aux femmes et aux filles sont une réalité. Au cours de cette année de 2016, jusqu'à cette date du mois de novembre 2016, l'association Solidarité des femmes burundaises pour la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme enregistre 173 dans les trois zones du nord de la ville de Bujumbura, à savoir Chibitoke, la zone de Kinama et la zone de Kamenge, 75 cas de violences sexuelles, 61 cas de violences conjugales et 37 cas de violences domestiques. Cette association lance un appel à tout un chacun de lutter contre les violences faites aux femmes. Elle demande qu'il y ait tolérance zéro aux auteurs de ces violences. Ainsi s'achève cette édition. Bonne journée de travail.